suis au départ de la fusée Ariane, ça t'étonne, grosse bouffonne. Je crame le gros cul de Marianne, c'est pour ça que ça sent le bacon. Je leur mets profond, je fais de la spéléo. Je t'ouvre la gorge comme une trachéo. Un facial, je t'en fais la déco. Ton sang dans le Graal, c'est pour l'apéro. Eh, réveille-toi, PD. Je fais les meilleurs CD. Si je veux, je fume papa, maman, silencieux. Je réveille pas le bébé. On te boit, on te biberonne. Si je t'aime comme Chris Brown, je t'arrache la gueule comme un piranha. Tu reviens à chaque fois comme Rihanna. Même si tu m'as pas l'air si hoche, t'as une drôle de gestuelle. Le chétan qui te conseille sur ta gauche doit être homosexuel. Je vais les hagar comme un tyran. Je prends le pouvoir comme en Iran. Tu peux m'appeler le chat, je peux te la mettre dans la chatte. On pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme le bouchon liège. 270-93 270-93 270-93 270-93. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Ou je te pète comme le bouchon de liège. Pète comme le bouchon de liège. Pète comme le bouchon de liège. Pète comme le bouchon de liège. Faut que tu me payes la vraie somme. Ou je te raye le rectum. Sur tes chicots je comme. Comme tu vas des mécoms, je veux la coke et je veux Cali. Le Roro, je suis à bord du rallye. Négro, je suis là pour le rallye. Coro comme le nord du Mali. Je suis assis sur le guidon, indispensable comme l'amidon. Peu m'importe si t'es pas Bintou, je te baise même si t'es Guindou. Par contre, tu m'as condamné. On a le flair, on a le nez. 20 milieux toute l'année, ma bite dans ton cul fait de la paix. Je te mets en vente, t'as le Mistral. La punch est magistrale. Chacun de mes freestyles fait apparaître les 7 boules de cristal. On joue pas de la mandoline. J'ai le glaive de la garde prétorienne. J'te fume comme à Medellin. Et j'soulève 2-3 mongoliennes. On pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme le bouchon de liège. 270-93 270-93 270-93 270-93. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Ou je te pète comme le bouchon de liège. Pète comme le bouchon de liège. Pète comme le bouchon de liège. Pète comme le bouchon de liège. 9 milli-milli, viens pas pour faire des guili-guili. J'suis un grizzly-lizzy dans toutes les sauces comme le pili-pili. Le sang coule, c'est pas du ketchup ends. Comme toute chaîne, j'suis venu faire des billions. Merco Benz, ouverture papillon. Armé de L, j'suis sur le pavillon. Évite de retourner ta veste. J'aime pas trop les grands gestes. Par contre, me faire les branches, j'aime 3 points les Brown James. Tu ne peux que chahuter, le flingue te passe le S-A-L-U-T. Rien ne sert de lutter. Profite avec le chalutier. J'te bouffe la schneck comme une viennoise. En même temps j'fume ma OG couche. En même temps j'attrape une grosse mouche avec une paire de baguettes chinoises. On pète comme le bouchon de liège. Mais t'es ski, y'a de la neige. 2-3 tours de manège. Tu t'en rappelleras comme une vierge. On pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme un bouchon de liège. Pète comme le bouchon de liège. 270-93 270-93 270-93 270-93. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi